mental était différent des autres. Je l'ai cueilli sans hésiter, je l'ai cueilli sans hésiter. Depuis je vis avec mon plus gros lot. Mais elle me fait mal à la la la la cabeça. Oh la la la la la. Comme dirait Shakira, elle est loca loca. C'est jamais bon. Elle me dit que je suis le seul, que quand elle me voit elle a des ailes. Alors j'y donne du love. Je mets la capuche sur le nez quand je zone avec elle et que je suis dans la cove. Elle me dit qu'elle est jalouse quand avec des filles je fais des doves. C'est ma chiquita pour la vida. Je la prends, je me sauve. Tu peux bomber le torse et faire le mal, mal, mal. Elle s'est transformée en coq en petit canard. Crois pas qu'elle est naïve quand tu lui parles, parles, parles. Elle vit l'époque du stream et toi de la disquette. Mais à ta fierté un bon gilet barbale. Elle a toujours raison et c'est véritable. Elle me fait mal à la cabeça, elle me demande pourquoi je fais ça. Je réponds c'est l'état. Elle me dit ouais ouais ouais c'est ça. Pourquoi tu mets du parfum? Pourquoi t'es jamais là? Pourquoi tu me réponds pas? J'ai mal à la cabeça. J'ai mal à la cabeça. Qu'elle délire à un moment donné. J'ai beau lui dire, elle croit que je vois des filles quand je pars zoner. Je fais des efforts, je prends le scoot, je la sors, elle me boude encore. Elle veut pas ci, elle veut pas ça, elle a peur de me voir geler.